Force ennemie, troisième partie, chapitre 4. Onze heures du matin. Je sors de chez Monsieur Onésime Bourdon, propriétaire de la ligne des Clippers antillais. Ce notable commerçant m'adresse au capitaine le Coatma Bergast Melen, commandant le trois-mâts Augustine Bourdon, qui part dans 2 jours pour la Pointe-à-Pitre, Guadeloupe. Comme je vais m'engager dans la rue de Chilou pour gagner le quai, j'aperçois, sur le boulevard de Strasbourg, 2 silhouettes qui me sont trop peu inconnues. Malgré moi, je ralentis le pas. Mes silhouettes s'arrêtent devant la grande poste, puis se remettent à marcher et se rapprochent de moi tout doucement. Je vois bien qu'Elzéar et Raoula ne s'attendent guère à la surprise que je ne leur avais pas ménagée. Khmorhoun exulte. « Fiche-leur donc une trempe à tous les deux » ricane-t-il. Un instant, je suis sur le point de suivre ce conseil. Car Elzéar est tellement rayonnant de bonté, son visage est si beau de rude et mâle franchise, ses yeux brillants disent si bien « Je suis le sévère mais béat justicier » qu'il attire le Orion comme le fer attire la foudre. L'ineffable Raoula, également, a une dégoûtante expression de figure. On devine sans peine qu'elle se sent comme une femme irréprochable et admirablement bienveillante et qu'elle remercie le ciel de n'avoir que d'un sentiment bien porté, élégant, discret et noblement délicieux. Ma foi, je vais à eux, la canne levée. En me reconnaissant, ils ont, l'un et l'autre, un mouvement de recul bref, mais très marqué. S'ils n'étaient pas aussi distingués, je crois qu'ils tourneraient les talons et fileraient comme des lapins de garenne. Mais leur instinct de ce qui est bienséant leur prête un courage factice, et ils me sourient si joliment que c'est moi qui perds contenance. Je suis affreusement gênée par ma canne dressée comme la trique de guignol. Ne sachant plus qu'en faire, j'en donne 2 grands coups sur le trottoir pour ne pas désarmer complètement. Des paroles me sont montées aux lèvres. Elles veulent sortir. Khmorhoun aussi me tourmente, me taraude pour que je lâche mes épithètes. Mais c'est d'un ton presque goguenard, en tout cas des moins menaçants, que je prononce « Canaille ! Gredin, escroc, ah, je vous tiens bandit, pirate, saligaud, voleur. » Ils comprennent qu'ils peuvent affecter de croire que je prends la chose à la blague. « Ah, voilà bien des transports, » fait ironiquement Elzéar. « Pourquoi ne pas dire en termes convenables que tu nous en veux de n'être pas revenu te voir à Vasseto? Mais nous avons été si occupés. « Sans cela, nous ne t'aurions pas fait languir. »« Et je n'arme pas les gros mots. Cela gâte mon plaisir de vous retrouver, » chante Raoula. « J'ai été bien heureux de savoir, » reprend Rofieux, « que le docteur Lelancier t'avait donné ton exéate sur ma demande. » Et il fait un geste comme pour parer une gifle qu'il s'imagine que je vais lui envoyer, outré de tant d'impudence. On devine qu'il a l'habitude de ce genre de parade. Mais je ne suis pas outré, je suis confondu. Cependant, je tiens à lui dire ce que je pense de sa conduite et sans ménagement. « Tu ne sais rien de ce qui s'est passé à Vasto, mauvais drôle. Et raconte-moi un peu, filou, ce que tu as été faire chez Cash et Nothing Else à Paris. » Une chose dont tu me remercieras du fond de ton cœur, plus tard, prêche mon cousin. J'ai tout risqué, ta colère, et peut-être pis que cela, ton mépris, pour te défendre contre toi-même. Je supporterai tes mauvais traitements s'il te plaît de m'en infliger. Je subirai n'importe quoi, trop content de t'avoir rendu fraternellement service. Et nous n'aspirons aucune reconnaissance, gronde la tragique Raoula. Notre affection n'a eu en vous que votre intérêt. Vous pouvez nous vilipender. Pardonne-lui à Alzar. Les bras m'en tombent. Ils m'ont pardonné. Et c'est à peine si je parviens à bredouiller. Trop fort pour moi, ces gens-là. C'est trop raide. J'en suis renversé. Malade. Tué. Ah, vous savez, ce n'est pas le toupet qui vous manque. Je lance ma canne dans le ruisseau et pivote sur mes talons. Arrivé à quelques pas de mes cousins, j'entends Elzéar qui, perdant la boule pour la première fois de sa vie, crie de trop loin à deux sergents de ville apparus. « Empoignez-le, c'est un fou échappé !» Mais c'est moi qui lui cours dessus. Il a le temps de se réfugier dans les bureaux de la poste. Si je fais du scandale dans un édifice public, on va me coffrer. Je me retire donc en jetant un regard inquiet du côté des appariteurs qui n'ont rien entendu. Ils viennent de sauter sur un charretier en contravention, le bousculent et le gourment. Je puis reprendre la rue du Chilou et me diriger vers le bassin. Elzéar ne me poursuivra pas maintenant. Je me hâte toutefois, non sans me retourner de temps à autre. Rien en vue. Mais je ne me sens bien à l'abri de toute ingérence policière, aliéniste ou fraternelle, qu'au moment où, franchis la planche qui relie au quai l'Augustine Bourdon, je descends l'escalier de la chambre d'arrière. Parfum de goudron, de suif, d'alcool et de tabac. Pour notre malheur, ignoré de la régie française. Dans la chambre aux boiseries peintes en blanc et relevées de filets jaunes, dans la lumière un peu verdâtre que versent les coutilles, les hublots et deux espèces de sabords, le capitaine Le Coat Magermastmelen, quinquagénaire cuivré, et orné d'une terrible barbe fauve que ne fleurissent pas encore les pâquerettes d'automne, puise quelque force dans un verre de grog très fragrant et des plus foncés. Du pourreau qu'il fume, un pourreau, une idée moins gros qu'une banane, s'élève de capiteuses vapeurs bleues. Le capitaine me regarde avec une certaine indignation, et c'est sans grande douceur qu'il me demande. « Qu'est-ce qui vous a autorisé à dégrader mon escalier et à pourrir le plancher de la chambre ?»« Je viens de la part de Monsieur Bourdon. »« Ah, nom d'un bougre, c'est différent. L'aimez-vous corsé ?»« Qui ? Quoi ? Le grog parbleu. » Et Monsieur Le Coat Mabergastmelen me passe une banane de tabac qui, une fois allumée, me fait deviner ce que pouvaient être les chaudes brises du paradis terrestre. Je l'aime assez fort, avec très peu de sucre. Bon, je vais vous envoyer ça, ce qui s'appelle carabiné. Collez votre derrière sur un siège, remettez votre chapeau, il n'y a pas de pater ici. Expliquez-moi le pourquoi de votre gracieuse visite, mon cher monsieur. Le capitaine devient plus saccharin que le sucré des grogues. Capitaine, Monsieur Bourdon m'a affirmé que vous m'admettriez à votre bord en qualité de pilotin. Ah, mon enfant de garce, et vous n'avez pas honte à votre âge? Le capitaine se désucre immédiatement. Il ne m'en envoie pas moins mon verre de grog avec un geste qui signifie « Il est versé, il faut le boire ». Mais, capitaine, Monsieur de Fialigny a bien été pilotin à 40 ans, et je n'en ai pas 35. Oui, il est légendaire dans la marine marchande, mais il nous a fichu là un bien fâcheux précédent. J'ai vu le moment où j'allais être obligée d'embarquer le Shah de Perse et le roi Denis du Gabon. Qu'est-ce que vous fabriquerez à bord? Vous ne savez rien, j'apprendrai vite, et j'ai de bons bras. Enfin, ça servira toujours pour aller dessus. Qu'est-ce qu'il vous demande par mois, monsieur Bourdon? 200 francs, à cause de mon âge avancé. Les jeunes, il les prend à moitié prix. Hélas, oui. Je débarquerai à la pointe à Pitre avec moins de 5 louis. 200 francs, c'est donné. Vous savez qu'en chargeant un pilotin, l'armateur ne se contente pas de toucher une mensualité. Il fait encore l'économie d'un vrai homme qu'il payerait sans cet embarquement d'un infirme. Ça va me désorganiser tout mon équipage. Je croyais bien pourtant cette fois-ci échapper au coup du pilotin. Car nous partons après-demain, et j'avais mon monde au complet. Voilà qu'il faut que j'envoie promener un vrai homme inscrit depuis 8 jours. C'est zutant. Enfin, c'est tant pis pour vous. Vous ignorez tout, et il vous faudra travailler comme si vous saviez. Autrement, je vous flanquerai au fer, moi. Voulez-vous un autre grog? Voilà comme je suis, moi. Exigeant, très exigeant. Et vous vous en rendrez compte, mon gaillard. Mais, bon garçon, le verre sur la main. Dites, revoulez-vous un grog? Non, merci. Eh bien, foutez-moi le camp, mais revenez demain matin à 7 heures. Vous aurez acheté des bottes de mer, un suroît, un cirage, des chemises de flanelle épaisse et une couverture pour votre cabane. Vous apporterez tout cela et vous vous présenterez vêtu de toile bleue. C'est l'uniforme à mon bord. Vous donnerez la main à embarquer la légume.